Bonjour et bienvenue dans votre magazine scientifique du vent dans les synapses. Aujourd'hui, nous commencerons par un voyage dans le temps. Nous irons sur le chantier du château de Versailles au XVIIe siècle et nous verrons comment les savants les plus réputés de l'époque ont dû innover comme jamais pour répondre aux attentes et aux caprices du roi Louis XIV qui, avec son château, ses jardins, ses fontaines, sa ménagerie et son potager, voulait impressionner le monde entier. Vers 15h45, que se trame-t-il au-dessus de nos têtes? Espionnage, brouillage, destruction de satellites, en quoi consistent les opérations militaires qui se jouent en orbite? Nous allons en parler. Et à 16h, nous recevrons l'explorateur Jean-Louis Etienne qui, il y a 30 ans tout juste, se lançait dans la traversée de l'Antarctique. Nous reviendrons avec lui sur ses grandes expéditions. Voilà pour le programme de cette émission, réalisé par Marie-Hélène Fauquet et préparé par Rebecca de Nantes, avec à la technique Serge Viguier et Ludovic Asselot. France Inter. Du vent dans les synapses. Daniel Fievé. Le roi. Sire, personne n'en croit ses yeux. Tout le monde pense rêver. Ce que madame, en quelque endroit du monde, cette galerie n'est en rien comparable. Versailles est un triomphe, sire. Si j'avais lu cela dans quelques romans, je l'aurais cru une fantaisie impossible. Et pourtant, elle est là de par votre volonté, sire. Et vous, madame, qui ne dites rien? Sire, il me plaît que cela vous plaise. Monsieur Lebrun, on m'a rapporté que vous nommiez notre grande galerie, Galerie des Glaces. Sire, oui, la Galerie des Glaces, en effet. Cela lui va au mieux. La Galerie des Glaces, emblématique galerie du château de Versailles. Autour de la table, une historienne et un historien spécialiste du château de Versailles et de sa construction, Patricia Bouchenaud-Deschin et Frédéric Thiberguin. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Bonjour. La construction de ce château a demandé aux savants de l'époque d'innover et d'inventer pour répondre aux exigences de Louis XIV. Nous étions là à l'instant dans la Galerie des Glaces. Rien que fabriquer les miroirs de cette galerie a été un défi en soi au XVIIe siècle, Frédéric Thiberguin. Effectivement, à l'époque, on ne fabriquait que des glaces de toute petite dimension. La France n'avait pas cette technologie, donc Louis XIV a fait débaucher quelques ouvriers à Venise pour ouvrir la première manufacture en France, près de Cherbourg, en 1665. Et c'est sur cette base qu'ensuite la technologie s'est perfectionnée et qu'on est arrivé à faire des glaces de taille un peu plus grande qu'on trouve à Versailles. Mais c'est seulement après 1685 qu'on va encore améliorer les formats grâce à des découvertes et à beaucoup de recherches scientifiques. D'ailleurs, la Galerie des Glaces ne faisait pas partie des plans initiaux. Au départ, à cet endroit, il y avait une grande terrasse avec vue sur le jardin. Et c'est plus tard que, quelques années après, Louis XIV a dit « Non, je veux une galerie à cet endroit ». Alors, il ne voulait pas une galerie, puisque au départ, Versailles est un lieu de divertissement et notamment de chasse. Les Bourbons sont des chasseurs et donc c'était effectivement, comme à Chambord, une terrasse pour les départs et les retours de chasse. Mais comme elle avait des fuites en permanence, à un moment, l'idée est venue. Il vaudrait mieux recouvrir cet espace pour en même temps joindre plus facilement les appartements du roi et de la reine, d'où la couverture qui a lieu dans les années 1680 et cette galerie des glaces qui a été conçue comme un lieu de passage entre deux morceaux du château. Aujourd'hui est devenu un lieu emblématique. À quoi ça tient? Le symbole, puis dans laquelle ont été signés aussi de nombreux actes ou traités d'importance historique. Alors remontons au début de l'histoire. Louis XIV a 22 ans quand il visite le château de Vaux-le-Vicomte, que s'est fait construire son surintendant, Nicolas Fouquet. Nous sommes en 1661 et le roi, en visitant ce château, enrage littéralement. Patricia Bouchenaud-Deschin. Oui, il enrage, mais c'est un lieu qu'il connaît bien. Il est venu à plusieurs reprises à Vaux-le-Vicomte. Ouais. Il enrage parce que finalement la coupe est pleine et que Fouquet a accumulé les maladresses, les malversations. Colbert a soufflé sur la braise. Et il enrage aussi parce que ses propres chantiers sont encore à ses débuts. Mmh. En 1661, au moment de la grande fête de Vaux-le-Vicomte, eh bien, il vient tout juste de terminer à Fontainebleau, le plus grand parterre du monde qui vient d'être réalisé par André Lenôtre. Donc, vous voyez, on est sur des équipes d'hommes qui sont des hommes de Louis XIV, officiers du roi, fonctionnaires, autorisés à travailler pour des particuliers, mais dans une certaine mesure, il faut savoir des sens garder. Mais il est jaloux, tout simplement. Louis XIV, devant le faste, devant la beauté des jardins du château de Vaux-le-Vicomte, il se dit « je veux un château, moi aussi, qui ait un tel rayonnement ». Louis XIV est passionné de jardin, depuis toujours. Mmh. Quand il va visiter ses courtisans, ça fait 20 ans, qu'il va toujours admirer les nouveaux jardins. Le Rincy avait été créé, qui était déjà un jardin fascinant, etc. Donc Vaux-le-Vicomte est dans cette dynamique de création extraordinaire que Louis XIV approuve. Mais jusqu'à un certain point, là, la fête qu'il donne est véritablement une fête royale qui dépasse tout ce qui a été fait. Ouais, une fête beaucoup trop fastueuse pour un simple surintendant du roi. Louis XIV décide d'avoir son château à sa mesure, digne du roi qu'il est et de son royaume. Alors il décide de faire construire ce château à Versailles. Pourquoi à Versailles ? Alors Versailles est un lieu que les rois de France connaissent bien. C'est un lieu de chasse où Louis XIV a passé son enfance. C'est un lieu qui est très bien placé. Il est opportunément situé entre le Louvre, Paris et Saint-Germain-en-Laye, qui est la grande résidence royale. Donc on y trouve un petit pavillon de chasse, enfin petit, en tout cas modeste, qui a appartenu à Louis XIII. Oui, qui aimait venir s'y retirer en modeste compagnie. Et Louis XIV va aimer venir pour des fêtes intimes. Oui. Et c'est pour la fête que Versailles va être d'abord recréé. Et c'est la raison pour laquelle ce sont d'abord les jardins qui vont être aménagés. Le degré de fastuosité va augmenter les années passant. Au début, on est dans une situation extrêmement paradoxale. On est avec des finances de l'État qui ne permettent pas d'immenses projets. Ouais. On a à la tête de l'État un ministre, Colbert, soucieux des deniers de l'État, et qui, lui, souhaite avant tout que l'on restaure et que l'on achève le Louvre. Il ne faut pas du tout imaginer le Louvre que nous connaissons aujourd'hui. C'est un Louvre de briques et de brocs qu'il faut entièrement terminer. Ouais. Et donc, face à ces projets de Colbert, Louis XIV, lui, a une autre ambition. Il veut quitter Paris. Paris, ce sont les mauvais souvenirs. C'est la fronde. Il souhaite autre chose. Et ce projet, il va le concocter avec quelques hommes. Et il va, à un moment donné, avoir un soutien incroyable d'un étranger, c'est le Bernin, et qui va permettre de déclencher tout cela. Oui. Alors le choix du lieu, tout de même, Frédéric Thiberguin, n'est pas forcément très judicieux du point de vue purement géographique. Alors, c'est un site difficile et ingrat, disait Saint-Simon, parce que c'est sur une colline dont le sommet est extrêmement étroit. En plus, les terrains sont marécageux, donc ça va entraîner des très nombreux travaux de terrassement, de nivellement. Il faut drainer le terrain. De drainage du site, d'où la création du Grand Canal. Mais le roi est très attaché au site, et je ne suis pas sûr qu'il ait eu d'emblée la vision de ce qu'il voulait faire. C'est effectivement d'abord le rejet de Paris du Louvre en raison des souvenirs de la France. C'est l'attachement au petit château construit par son père. Et je crois que c'est aussi le choix d'un site vierge où il a eu l'intuition qu'il pourrait y faire de grandes choses contre tous les avis de ses collaborateurs. Le chantier qui s'ouvre à Versailles est un chantier pharaonique, le plus grand chantier d'Europe. Ça va durer 50 ans. Il existe alors beaucoup de témoignages de l'époque, mais il existe aussi un tableau. Un tableau du peintre Adam van der Meulen qui donne un très bel aperçu de ce chantier. Qu'est-ce qu'on peut voir sur ce tableau, Frédéric Thiberguin ? D'abord, le fait que ces chantiers étaient très, très mêlés avec des tas d'ateliers, que les travailleurs étaient exposés à des conditions de travail difficiles. Il n'y avait pas la sécurité comme l'on voit aujourd'hui. Il y a eu beaucoup de morts sur ce chantier. Il y a eu beaucoup de morts. Alors, sur le chantier de l'heure, entre 10 et 20 000 morts. Mais surtout, ce qui est le plus intéressant sur ce tableau de van der Meulen, à mon sens, c'est qu'on voit au premier plan la réunion traditionnelle quand on fait un chantier entre le maître d'ouvrage, le premier architecte, Colbert, et puis tous les contrôleurs des bâtiments de Versailles. Donc c'est une réunion technique d'avancement du chantier. Puis ce qu'il y a de plus passionnant, c'est de voir qu'il y a le carrosse du roi qui traverse à l'arrière-plan le chantier tiré par 6 chevaux blancs. Et donc c'est la meilleure illustration pour montrer que le roi est en permanence présent sur son chantier. chantier et que derrière les ordres qui se donnent, il est là en train de contrôler et de vérifier tout ce qui avance au jour le jour. Mais d'ailleurs, le peintre, hein, Adam van der Meulen, était le peintre des batailles. Des batailles, oui. C'est une bataille que va livrer Louis XIV à Versailles, en quelque sorte, oui, ce chantier pharaonique. Alors, ben oui, ça c'est un des aspects très nets. Versailles illustre bien le double aspect du roi guerrier et bâtisseur. C'est la même chose, sont deux facettes du même personnage. Alors Louis XIV était aussi très soucieux de l'aménagement intérieur. Hein. Justement, il voulait des matériaux précieux, beaucoup de marbre. Alors des marbres qu'il va faire venir, pas seulement d'Europe, de France aussi. Le premier Versailles, en tout cas, reflète effectivement les goûts du roi pour l'or, les marbres, les miroirs, ça a été dit, les jardins, les jeux d'eau, etc. Alors le marbre, ça c'est Colbert, car nous sommes à l'époque de la pensée mercantiliste, et donc c'est un appauvrissement d'un État que d'importer, c'est un enrichissement que d'exporter. Donc toute la pensée économique de Colbert, ça consiste à dire il faut substituer de la production nationale, et donc pendant toute la durée du chantier, on voit faire des inventaires pour développer les carrières de pierre et le marbre, notamment dans les Pyrénées, où on fait inventorier toutes les ressources. Et tout le marbre vient donc de France progressivement, alors qu'il venait auparavant de Belgique, d'Italie, etc. Donc c'est vraiment toute une politique très délibérée de favoriser la production et donc l'économie. On va donc aller chercher au beau milieu des Pyrénées, dans la carrière de Campan, du marbre pour le château de Versailles. Alors pour extraire le bloc de la masse, il creusait un sillon d'encoignure 30 cm de profondeur en V. Et ça permettait d'enfoncer des coins dedans, et puis qu'il bourrait à coups de masse pour faire éclater la roche. Un travail très difficile en carrière. Il y a la chaleur et puis tous les dangers d'extraction que ça pouvait donner. Donc je pense qu'il y a eu pas mal de victimes, de mains, de pieds écrasés. C'est très très dur, oui. C'est la première phase. Vraiment, avant d'arriver à Versailles. C'est le chariot typique qui permettait de transporter les blocs. Il y avait donc une compagnie, qui s'appelait Compagnie Chantemerle, qui avait 14 ou 15 chariots ferrés à essieux renforcés. Donc il y avait un bloc par chariot. Et donc jusqu'en 1713, le transport se faisait par la vallée. Alors il y avait des montées, il y avait des descentes. En descente, une ou deux paires de bœufs. Mais dès qu'il y avait une monterie, il passait à 15 perles. Jean-Sébastien Gion, naturaliste, c'était un extrait du documentaire Versailles, les défis du roi soleil. Rien que l'acheminement de ces blocs de marbre, Frédéric Thiberguin, est un challenge en soi. C'est un exploit, ça prenait plus de 6 mois. Il fallait utiliser des charrettes, les radeaux sur les fleuves, des embarcations tirées par des chevaux. Et coût exorbitant, 70% du coût du marbre rendu à Versailles, c'est le coût du transport, c'est dire que c'est un produit de luxe. C'est-à-dire qu'il faut descendre la Garonne, contourner ensuite la Bretagne par l'océan et puis remonter la Seine pour enfin arriver à Versailles. Le chantier de Versailles va mobiliser les forces vives de toute la nation. Et le roi et ses architectes vont aussi s'appuyer sur les plus grands savants de l'époque. Patricia Bouchenaud-Deschamps, c'est à cette époque-là aussi qu'est construite l'Académie royale des sciences. Absolument. On est à cette époque-là sur une conception nouvelle en fait de cette construction de Versailles. On est non seulement dans une construction matérielle, mais on est aussi dans la construction d'un discours sur la gloire du roi. Il faut imaginer que à la tête de l'État, le bras droit de Colbert, c'est Charles Perrault, conteur malgré lui, qui est avant tout son premier commis, contrôleur général des bâtiments du roi. Le bras droit de Louis XIV, c'est un autre contrôleur général des bâtiments, c'est André Le Nôtre. Ce sont deux hommes qui connaissent parfaitement et Louis XIV et le roi, et qui vont fabriquer la gloire du roi. Et cette gloire du roi, elle va passer par, entre autres, recruter à l'étranger ces fameux scientifiques. Charles Perrault racontera à la fin de sa vie comment certains scientifiques, mais absolument inconnus dans leur propre pays, vont être tout à fait étonnés d'être repérés par le roi de France, et plus que repérés, pensionnés, invités à travailler pour la France. Et Frédéric Thiberguin, l'un des plus gros défis scientifiques de ce chantier, ce sont les bassins et les fontaines que l'on va trouver dans le jardin autour du château de Versailles. Parce que Louis XIV se veut le maître des eaux, il veut des fontaines, il veut des jets d'eau, et ça demande d'apporter des quantités d'eau sur le site. Alors effectivement, il y avait en plus 1600 fontaines ou jets d'eau à la fin de son règne, et on n'a pas idée de ce que c'était quand on voit ce que c'est devenu aujourd'hui. Et donc, Pendant tout le règne, la question s'est posée, comment amener de l'eau pour faire jouer les fontaines en permanence, et on n'y a pratiquement jamais réussi, donc il fallait recourir à des subterfuges. Et donc toute l'histoire du règne, c'est d'aller chercher de l'eau de plus en plus loin avec des défis comme détourner des cours d'eau, comme la Loire ou l'Eure, en amont de Chartres, pour amener de l'eau à Versailles. Et donc ceci a supposé effectivement de faire recours à des scientifiques pour calculer les dénivelés, effectuer les tracés, faire les ouvrages d'art, et donc les plus grands scientifiques ont travaillé sur cet aspect du chantier. On a drainé tout le plateau de Saclay en mettant des drains, donc, mais de 1200 kilomètres de drains sous la terre, disposé un peu en arête de poisson pour récupérer cette eau, et ensuite il fallait construire un aqueduc pour enjamber la vallée et enfin arriver à Versailles. C'est pharaonique les travaux qui ont été entrepris. Oui, alors mais c'est surtout intéressant parce que ça suppose des calculs. Par exemple, sur le chantier de l'Ain, c'est Vauban, grand scientifique qui a travaillé sur les fortifications, qui est allé faire les calculs de résistance des matériaux, puisqu'effectivement, le roi voulait un aqueduc trois fois plus important que celui du pont du Gard, et donc tout le monde doutait de la résistance et de la capacité à supporter ces charges. Et donc, ce sont des savants qui ont effectivement fait l'ingénierie et les calculs. Et malgré tous ces efforts, c'est loin de suffire. À la fin des années 1670, le jardin, vous le disiez, compte 1700 fontaines et bassins. Il faut davantage d'eau pour les approvisionner et le roi s'impatiente. Ce matin, le roi excédé a fait convoquer Colbert et Mansart. Il leur aurait tenu ses propos. La Seine est à une lieue d'ici, en bas du coteau de Louvciennes. Faites-lui escalader ce coteau. Quant à la machine qui doit faire monter l'eau de la Seine, demandez-la à ces messieurs de l'Académie. Mansart et Colbert, en bons courtisans, auraient répondu : nous nous adresserons demain aux savants. Et l'eau montera jusqu'au ciel, s'il plaît à votre majesté. Et alors comment va-t-on faire, Frédéric Thiberguien, pour que l'eau monte jusqu'au ciel ? Eh bien, comme ça avait déjà expérimenté pour l'architecture, par un concours international d'idées. Donc c'est un étranger, Arnold de Ville, qui vient de Liège, qui avait fait déjà une réalisation de ce type dans les mines de charbon de Liège, qui va transposer sa technologie et proposer un prototype qui va permettre de déboucher sur la machine de Marly. Donc, gigantesque machine qui est la grande curiosité pour les étrangers, car c'est une réalisation sans précédent en termes de volume, de masse, d'utilisation de matériaux. Et c'est un défi incroyable de remonter de l'eau de 120 mètres de hauteur, 4000 mètres cubes par jour. Donc, un peu en deçà de ce qui était promis au moment du lancement du projet. Il faut imaginer, ce sont des roues à aube, 14 roues à aube, 12 mètres de diamètre, qui vont actionner des pompes pour faire monter palier par palier cette eau et faire monter l'eau jusqu'au ciel, comme le voulait le roi Soleil. Absolument. Ça marchera que moyennement, cette machine de Marly. Le rendement est inférieur à celui qui était prévu, mais elle va quand même rester en fonction pendant un certain temps. Mais à la fin, elle ne desservira plus Versailles, mais Marly, elle sera détournée pour approvisionner Marly. Alors la machine de Marly ne suffira pas, il va encore falloir innover, et pas seulement dans le domaine de l'hydraulique. Le roi se montre aussi très exigeant pour ses jardins, sa ménagerie, son potager. Il veut impressionner le monde. Nous allons voir dans un instant comment les caprices du roi Soleil ont fait avancer les connaissances dans différentes disciplines. Cet enfant ? Ce n'est plus un enfant, madame. C'est un roi. Désormais, je régnerai seul. Chloé ! J'ai 22 ans, ma mère. Et je suis votre roi. I was the king of the castle, with you by my side. Left you alone for the battle. I was gone when you cried. Never thought I'd be the asshole who blew out the flame. I'm broken in more ways than I know, but keeping the faith. Some fools say, but a fact don't stay. It's been begging me to wake up. Without your love, I take my chances. Putting something fancy, baby, we'll be dancing. Back to one, back to one, back to one, back to one, back to one. J'étais la reine du château, toi à mes côtés. Une vie entière en quelques mots. Au feu, tout a brûlé. Les souvenirs collent à la peau. Et je rêve éveillé que nos vies se mêlent à nouveau. On peut tout oublier, toi et moi. Dépassant le passé, on se remet à danser. On pardonne, toi et moi. Tout recommencer, sans blesser personne. Nouvelle donne, back to one. C'était Back to One de Cocoon et Clou. France Inter, du vent dans les synapses. Sire, l'idée serait d'ajouter un nouvel axe au Grand Canal. On dirait la Sainte Croix. Voilà une pieuse idée de la géométrie, monsieur le nôtre. Elle nous ravit et nous apportera bonheur. Versailles manque d'eau, sire. L'agrandissement du Grand Canal va en demander des quantités supplémentaires. Il va falloir aller chercher l'eau de plus en plus loin et cela va coûter des fortunes. Nous ne construisons pas pour nous, Colbert, nous construisons pour la France. Alors comment toujours s'inquiéter seulement de ce que cela va coûter? Vous avez notre accord, monsieur le nôtre, nous agrandirons le canal selon nos plans. L'harmonie de nos jardins ne peut s'accommoder plus avant de l'infecte puanteur de ces lieux. Nous en ferons une nouvelle pièce d'eau, monsieur le nôtre. Si. Mon sang tourne comme fait le vin en vinaigre. Puisqu'à entendre notre ami Colbert, l'on manque autant d'argent que de bras, nous y ferons travailler nos bons gardes suisses. La quête perpétuelle de l'eau lors de la construction de Versailles et de ses jardins, c'est un extrait du film Le rêve d'un roi. Nous découvrons avec nos invités Patricia Bouchenaud-Deschin et Frédéric Thiberguin comment Louis XIV s'est appuyé sur les scientifiques de son époque pour construire le château de Versailles et réaliser ses superbes jardins. Et son jardinier d'ailleurs, André Le Nôtre, va beaucoup utiliser les mathématiques et la géométrie, Patricia Bouchenaud-Deschin. Oui, son jardinier André Le Nôtre n'est pas qu'un simple jardinier comme on le raconte. Compris. Il est à la fois dessinateur, il est scientifique et c'est en plus un contrôleur général des bâtiments. Donc il est tout à fait au fait au premier poste pour pouvoir avoir une influence sur les décisions du roi. Ajoutez à cela qu'il a l'âge d'être le père du roi, que le roi le connaît depuis toujours, qu'il a confiance en lui. Et du coup, vous allez avoir un tandem absolument étonnant. Alors, pour répondre à vos jardins, quand est-ce qu'ils ont été créés et quand est-ce que l'ambition apparaît? 1669, un autre tableau, Patel. Tout le monde l'a en tête. Effectivement, comme le dit le film, le canal ressemble à une croix. Quand vous le regardez bien en détail, vous avez à droite, aujourd'hui, le parterre du Nord qui existe, intégralement réalisé. À gauche, l'orangerie, une première orangerie, celle de Levaux, qui ensuite sera transformée en celle que nous connaissons aujourd'hui. Prenons la com' de l'époque. Mademoiselle de Scudéry publie un très joli petit livre, La promenade à Versailles. Et qu'est-ce qu'elle nous dit? Oh, regardez, comme cette orangerie est jolie. Mais figurez-vous, elle est à peine achevée et bientôt, une du plus du double va la remplacer. Nous sommes en 1669 et tout le projet du Grand Jardin a été tracé. Car quand on regarde la fabrication mathématique de ce jardin, tout s'inscrit de manière extrêmement précise, extrêmement mathématique, dans un double axe, et le nôtre résout sur le terrain la problématique essentielle des châteaux de l'Île-de-France, c'est-à-dire la très faible déclivité du terrain. Nous sommes sur des terrains extrêmement plats, alors comment voulez-vous créer des jardins magnifiques sur quelque chose qui apparaît presque comme une galette, avec cette espèce de petite butte ridicule? Alors comment s'y prend-il justement? Eh bien, il s'y prend de la manière suivante, en utilisant les mathématiques, en utilisant les anamorphoses. Alors qu'est-ce que c'est? Et les collimations, il va jouer sur les distanciations, sur la géométrie et sur les réglages de niveau. Et on crée des illusions d'optique qui permettent de faire croire qu'on a des longueurs qui sont plus grandes ou moins importantes que ce que l'on veut. Un exemple tout bête, vous êtes au pied du château aujourd'hui et vous regardez vers le Grand Canal. Qu'est-ce que vous voyez? On voit la terrasse, du sable et on voit de l'eau, la mer. Et quel était le rêve de Le Nôtre? Il a fait croire à Louis XIV que les bateaux bientôt pourraient venir de la mer, franchir par la Loire et arriver directement au Grand Canal. Mmh. C'était ça le rêve de Le Nôtre. C'est ce que Le Nôtre vend à Louis XIV. Mais qu'est-ce que l'on apprend aussi en se promenant dans les jardins de Versailles? Parce que un jardin de Le Nôtre, il faut l'arpenter, parce que sinon il est ennuyeux en plan. Il a l'air très géométrique et très régulier, mais là, qu'est-ce qu'on découvre? Eh bien, on découvre des surprises à tous les niveaux. Ouais. C'est l'apparition et la disparition des pièces d'eau, comme la tonne, et le tout avec un réglage absolument étonnant. Et au fur et à mesure, comme l'a démontré Frédéric Thibertien, eh bien, les techniques se développent, se mettent en place pour pouvoir arriver à avoir cette énorme prouesse. Louis XIV veut que son château et ses jardins impressionnent ses visiteurs. Très tôt, Absolument. Il fait construire une ménagerie. Le bâtiment a disparu aujourd'hui, mais les plans permettent de se faire une idée assez précise du lieu. Une fois franchi l'entrée de la ménagerie, on trouve un corps de logis auquel succède une petite galerie qui mène à un surprenant pavillon octogonal surmonté d'un grand dôme. À l'étage noble du pavillon, un balcon permet aux visiteurs de bénéficier d'une vue plongeante, idéale pour voir de près et pour la première fois de nombreuses espèces animales. Il y a trois grands types d'animaux, les animaux qu'on disait paisibles, c'est-à-dire les grands oiseaux. Il y avait beaucoup d'oiseaux magnifiques, des grands pélicans, des haras, des perroquets, et puis des animaux féroces aussi, avec les ours bruns. Et puis le clou du spectacle, bien entendu, c'était des animaux qu'on disait rares et exotiques, avec des autruches, des casoars, des dromadaires et même des crocodiles. Si Louis XIV fait construire cette ménagerie si tôt dans le règne, eh bien c'est qu'elle a évidemment un rôle politique, hein, celui de servir son prestige. Et régner sur tous ces animaux venus du monde entier, c'était une manière aussi pour lui de se positionner en roi régnant sur les quatre parties du monde, qui était une image très employée au début du règne. Hélène Delalex, conservatrice du patrimoine au château de Versailles. C'est un nouvel extrait du documentaire Versailles, les défis du roi soleil. Frédéric Thibertien, la ménagerie du roi est là aussi pour envoyer un signal à la cour, au sujet et aux autres monarques alentours. C'est un instrument de propagande, en fait, cette ménagerie. De propagande, mais aussi scientifique, puisqu'il s'agit de rassembler un exemplaire de chacune des espèces vivantes connues. Donc c'est aussi cette volonté de ramener à Paris un exemplaire de chaque espèce. Donc comme dans tous les domaines, volonté de recenser tout ce qui se fait de mieux et ce qui existe de mieux dans le monde, dans tous les domaines. Donc c'est Versailles comme vitrine. Ouais, c'est ça. Les naturalistes vont pouvoir y étudier une faune inconnue et puis on va pouvoir... Et puis on va y pratiquer la dissection. Oui. Des dissections spectacles, hein. Tout le monde peut assister. Des dissections spectacles, des dissections qui vont être en plus ensuite imprimées, répandues, et on voit la progression, là encore, de la science, parce que non seulement les choses se passent à Versailles, mais en plus, diffusion de gravures, diffusion des ouvrages, dans toute l'Europe, envoyés en cadeau, et donc on sait que l'avancée de la science se passe ici, à Versailles. Ouais. Frédéric Thibertien, dans votre ouvrage « Versailles, le chantier de Louis XIV, 1662-1715 » aux éditions Perrin, vous décrivez notamment la scène d'une dissection d'un éléphant où l'homme qui opère cette dissection disparaît totalement dans le corps de l'éléphant. Oui, ça fait partie des nombreuses retombées du chantier qui ont été considérables dans beaucoup de domaines. Mais je crois que aussi ce qu'il faut en retenir, c'est finalement l'irruption de la science et des ingénieurs sur les chantiers. Et on le voit, je prendrai un autre exemple qui me paraît très intéressant, ce sont les plans et les relevés. C'est-à-dire, tous les jours, des ingénieurs allaient mesurer le niveau des eaux, faisaient des comptes rendus. On a aussi commencé à calculer la capacité des bassins versants en cas de pluie grâce aux frères de Charles Perrault. Et donc, tout ce savoir est mis en œuvre directement et dans tous les domaines. C'est ça qui fait vraiment l'originalité de ce chantier. Et à Charles Perrault, puisque c'est Charles Perrault qui fait tous ces relevés sur le terrain. Ouais, ouais. Oui. On est vraiment sur des hommes qui, depuis 5 heures du matin jusqu'au soir minuit, font les relevés et transmettent au roi qui, de manière immédiate, commente où qu'il soit. Alors le roi a aussi de grandes exigences concernant son potager. Le jardinier en chef Jean-Baptiste de la Quintigny doit faire des miracles pour le satisfaire, comme le raconte ici l'actuel responsable du potager du roi, Antoine Jacobson. La Quintigny va réussir à fournir au roi des asperges au mois de décembre, au mois de janvier, des radis, des laitues au mois de février, au mois de mars, des fraises et des petits pois au mois d'avril, au mois de mai. Si tout le monde mange des pommes, Louis XIV mange des figues. Parce que tout ce qui est hors de portée du peuple est source de puissance. Le roi raffole des figues, au point d'obliger la Quintigny à faire de nouveau des miracles. Pour le faire, il a développé une figuerie sur le modèle de l'orangerie, une nouveauté à son époque, la seule bâtiment comme ça, où il bouge les figuiers en pot de l'intérieur à l'extérieur, l'extérieur à l'intérieur, selon les saisons, selon le moment, selon la chaleur de la journée. Là, on a une variété qui produit deux fois dans l'année. Mais la Quintigny, au XVIIe siècle, grâce à la finesse et au savoir-faire de ses jardiniers, réussira à sortir des figues sur 7 mois de l'année, à partir du mois de mai jusqu'à fin novembre. Là encore, ce potager est l'occasion d'innover en matière d'agriculture, de développer de nouvelles méthodes de culture et puis d'étudier les plantes aussi. Oui, on est véritablement ici sur un domaine qui va montrer à la fois toute l'avancée de cette époque. Du temps de Louis XIII, il y avait déjà un potager à la place de l'actuelle orangerie. Le potager a été déplacé dans Versailles, puis une troisième fois. Ça a donné lieu à des travaux pharaoniques. L'actuelle pièce d'eau des Suisses a été creusée avec toute la main-d'œuvre nécessaire, mobilisant toute la France, pour ensuite aménager ce potager qui lui aussi avait besoin d'apports de terres nouvelles, etc., etc. On est sur véritablement un chantier avec une chose qui est très intéressante, c'est la spécialisation des jardiniers à l'époque. Au début du règne de Louis XIV, les jardiniers étaient compétents dans tous les domaines et ils intervenaient dans tous les domaines, le potager, les fleurs, etc., etc. Très vite, les spécialisations vont apparaître. Le jardinier fleuriste qui vient approvisionner par exemple Trianon, qui est le grand lieu des fleurs, n'est pas celui qui vient travailler au potager. Il y a véritablement une spécialisation dans les métiers de jardinier, avec même la création d'une école où on enseigne les mathématiques, etc. Donc on voit vraiment qu'on est là sur des spécialisations très très fines dans tous les domaines. Frédéric Tiberghien, finalement, le domaine qui aura donné le plus de fil à retordre aux savants et aux ingénieurs de l'époque, c'est la captation des eaux. On y revient toujours. Le dernier grand projet, après la machine de Marly qui s'est révélée insuffisante, même si le roi en était très fier, on a envisagé de détourner l'Eure, l'affluent de la Seine, nouveau chantier pharaonique qui finalement n'a pas été à son terme. Mais on a commencé à tenter de construire ce viaduc gigantesque. Là, Louis XIV voulait faire plus fort encore que les Romains. Alors, ce chantier aurait dû réussir si la guerre n'avait pas recommencé, la ligne d'Augsbourg en 1688. Donc, il a duré 4 ans. Il a également fait appel à tous les spécialistes étrangers, notamment à beaucoup de Hollandais, qui étaient déjà les spécialistes pour les canaux. Et ce projet était très bien parti. Et nous avons effectivement dans les archives des témoignages sur l'avancée de tous ces travaux. Le premier étage du viaduc a été construit, il devait en faire 4. Et donc beaucoup pensent qu'il se serait terminé s'il n'y avait pas eu la guerre. Mais malheureusement, comme cette guerre a duré très longtemps, le chantier a été abandonné. Et également, c'est le chantier qui a été le plus difficile pour les ouvriers, puisqu'il y a eu beaucoup de maladies liées à la mauvaise alimentation. Et c'est là qu'on a eu entre 10 et 20 000 morts, sachant que 2/3 de la main-d'œuvre étaient des militaires. Quelle partie du budget de la réalisation de Versailles a été consacrée à l'acheminement de l'eau? Alors pour le chantier de l'heure, c'est 9 millions sur 83 millions de livres de l'époque, donc un pourcentage très élevé. C'était le défi le plus important du règne. Ouais. Une fois le château de Versailles construit, il est resté un lieu de science dans les décennies suivantes pour les successeurs de Louis XIV. Oui, absolument. Que ce soit Louis XV ou Louis XVI, on va continuer à expérimenter les sciences à Versailles et on va véritablement poursuivre cette tradition dont l'impulsion est donnée par les princes. Les princes reçoivent une éducation scientifique extrêmement poussée et on est sur Versailles avec, que ce soit à la ménagerie ou à Trianon, avec des nouvelles expérimentations, l'introduction du mérinos, la pomme de terre, enfin on a toutes les cultures qui vont se développer pour pouvoir lutter contre les famines, etc. etc. Donc c'est une autre vision que l'on a d'un Versailles qui n'est pas que futile, qui est un Versailles utile. Et je voudrais ajouter une chose. On parle beaucoup de la mégalomanie de Louis XIV. Il y a quelque chose qui est intéressant dans cette mégalomanie, c'est qu'on est face à un roi et à une équipe qui veut montrer qu'ils sont résolument modernes. C'est le combat de la modernité et essayer de montrer que les modernes sont supérieurs aux anciens. Donc, c'est le cas de cet ouvrage emblématique que de faire ce gigantesque aqueduc pour dépasser ces Romains. Et puis, c'est toute la propagande de l'époque avec cette relance de la querelle des anciens et des modernes, avec à la tête ce chef de file qui est encore et toujours Charles Perrault à l'Académie française, à l'Académie des sciences, etc. etc. Merci Patricia Bouchenaud-Deschamps et Frédéric Thiberguien. Les titres de vos ouvrages, alors Frédéric Thiberguien, il y a Versailles, le chantier de Louis XIV, 1662-1715, aux éditions Perrin. Et Patricia Bouchenaud-Deschamps, vous avez écrit une biographie d'André Le Nôtre aux éditions Fayard. Vous en avez écrit une autre, justement, consacrée à Charles Perrault. Aux éditions Fayard également. On va mettre tout ça en lien sur la page du Vent dans les synapses pour ceux qui veulent en savoir plus. Un grand merci à tous les deux. Merci à vous. Merci. Tout à l'heure à 16h, nous mettrons le cap sur l'épaule avec l'explorateur Jean-Louis Etienne. Je ne suis pas chez moi, chez moi. Je ne suis pas chez moi, chez moi. Moi.